gen dwa pou l priye dan sou nou. La fè tout fason pou la fwa nou pa grandi. Potou goumen pou n gen yon go la fwa. Parce que Pierre dit nous devons gagner tout.